confessions. Les confessions. Les confessions. Ne prenez pas vos airs choqués. Il va se passer chose qu'elle. El padre de la noche. Laisse des séquelles. NZ est dans le coin. Préviens ton voisin et son voisin. Ses lois et ses oiseaux. Insolents depuis le berceau. Ils se demandent pourquoi je suis aussi méchant. Pourquoi je tue autant. Je sais qui sont mes gens. Je reviens de la salle du temps. Qui veut la peau du padre qui vient se faire croquer. Mon soi-disant ennemi était mon soi-disant ami. Depuis tout petit, je survis depuis la commanderie. Je ne fais que le tri. Demande à Pébon et le cas qui est élégant. Une cagoule des gants et on se fait un dîner de con. Hey, active ta connexion. Je vous ai ramené le badiou sur les confessions. Rajoute ça à ta collection. Pour la concurrence c'est une correction. Hey, active ta connexion. Je vous ai ramené le badiou sur les confessions. Rajoute ça à ta collection. Ça c'est une correction. Pour vous dire je m'en tamponne. Je serai pas du rap. Vos stories je m'en cogne. Les affaires c'est les affaires. Tu veux nous foutre dans la merde. On va te la mettre en zoom. Comme le président. T'es hésitant. Tu es au débutant. On est dans depuis le temps. Rap de militant. Débarque ni strass ni paillettes. Dans les couilles quelques galettes. Deux trois négros pas trop net. J'suis plus dans ce game. Milieu miné. Trop de PD louvre. Et peu assez si y'a dra. Nous surcourons la monnaie. Tous vos blabla en connaît. Où tu dors où t'étais. Bro. Fonce dit on dit trop, les murs ont des oreilles. Je marche avec les vrais, j'ai la mauvaise graine attitude. Des rimes qui puent le bitume, c'est pas nous que tu vas biture. Ennemi, on voit tout comme dans la tour. Hey, active ta connexion. Je vous ai ramené le badiou sur les confessions. Rajoute ça à ta collection. Pour la concurrence c'est une correction. Hey, active ta connexion. Je vous ai ramené le badiou sur les confessions. Rajoute ça à ta collection. Ça c'est une correction. Les Wailers ont braqué des DJ. Pense-y quand t'écoutes du Bob Marley. Ta vie c'est peace and love. La mienne c'est vice et love. Bienvenue dans mon paradis, le pire des enfers. Que la concurrence brûle en enfer. Autour de moi, y'a déjà des haut-parleurs. El Bad Dealer. On n'aime pas les beaux parleurs. Hey, active ta connexion. Je vous ai ramené le badiou sur les confessions. Rajoute ça à ta collection. Pour la concurrence c'est une correction. Hey, active ta connexion. Je vous ai ramené le badiou sur les confessions. Rajoute ça à ta collection. Ça c'est une correction. Hey, active ta connexion. Je vous ai ramené le badiou sur les confessions. Rajoute ça à ta collection. Pour la concurrence c'est une correction. Hey, active ta connexion. Je vous ai ramené le badiou sur les confessions. Rajoute ça à ta collection. Ça c'est une correction.